بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فإخوة الإسلام، لازلنا متواصين بالحق وبالصبر امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et c'est notre troisième rencontre autour d'eux, cette assise de conseil dans laquelle on se conseille mutuellement la vérité et l'endurance, mettant en application dans ces cas-là la parole d'Allah Azza wa Jalla qui dit, dans la traduction approximative, dit ceci: par le temps, l'espèce humaine est en perdition, sauf ceux qui ont cru, fait bonne œuvre, et se sont conseillés mutuellement la vérité, et se sont conseillés mutuellement l'endurance et la patience. فكما قلنا البارحة لا بد لنا أن نشمر على ساعد الجد، وإن فاتنا الوقت تداركناه، ولا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وييسر لنا هذه المهمة التي هي تربية أولادنا وبناتنا، وييسر لنا من يعيننا على هذه المهمة، وأن نضحي بالغالي والنفيس في هذا المجال. Nous l'avons dit hier, en Allah Azza wa Jal, nous avons retroussé nos manches. Et même si nous avons perdu un peu de temps, on retrousse nos manches pour essayer de rattraper un peu le temps perdu. Et il est obligatoire pour nous d'agir avec sincérité vis-à-vis de Allah Azza wa Jal, et de demander à Allah Azza wa Jal qu'il nous accomplisse sur cette voie-là, qu'il nous aide à remplir cette fonction qui est le fait d'éduquer, de s'éduquer et d'éduquer nos enfants. Et d'éduquer ceux qui sont sous notre tutelle. Et qu'on fasse des sacrifices matériels, on fasse des sacrifices au niveau de notre matériel, au niveau du temps, au niveau du moyen, etc. Pour nous donner le moyen, se donner le moyen à pouvoir remplir cette fonction. Enfin, rien ne vient du vide. Voilà, Bouddha Kadalika. Intéessalna l'amr, otéessalna l'mudarissu, la Bouddha n'uraqiba amna'ana. ماذا يتعلمون في المسجد أو ماذا يتعلمون في المركز؟ ففي هذه البلاد أكثر من غيرها يتأكد علينا الاهتمام بالأولاد والبنات وبالمراقبة، فلنحذر أن لا نترك أولادنا فريسة لأهل الأفكار الهدامة وأهل العقائد الفاسدة وأهل البدع وأهل المناهج الباطلة. Et ici encore, plus qu'ailleurs, plus que dans d'autres pays, quand on voit nos enfants à l'apprentissage dans les mosquées ou là dans les centres, il faut qu'on observe, qu'on regarde ce qu'ils apprennent, et qu'on soit vigilant. On soit vigilant pour voir et vérifier ce qu'apprennent nos enfants. On ne doit pas les mettre dans les mains de gens qui ont des dogmes et des croyances non avenantes, ni les mettre entre les mains de gens qui sont dans l'innovation et dans l'égarement, parce que il va de leur réussite, il va de l'agrément de l'Allah Azza wa Jal, et la réussite et l'agrément de l'Allah Azza wa Jal sont dans une croyance authentique et dans une voie authentique, et non pas dans les voies de l'égarement. On ne laisse pas nos enfants, on les donne à l'éducateur qu'on a choisi, et on les laisse comme ça sans surveillance. فكلكم يعلم ولله الحمد والمنة من قبل ومن بعد. أنه شرعا لا يجوز لنا الإقامة في دول الكفر. ولعل البعض يستغرب هذا الكلام، ولكن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وفي أحاديث أخرى. هذا عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: إنني بريء ممن يسكن بين ظهرانين المشركين لا تتراءى نارهما، أي ما يكونوش الجيرو ديالهم مقابلين، ما يكون واحد ساكن فوق واحد، كل مشرك فوق هذا، كل حال ديالتنا دروكا. فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام نحن نعلمكم به ولا نلزمكم به، كل بصيرة على نفسه، ولكن هذا دين الله وهذا حق الله، لا بد من الإعلام. نحن نعلم ولا نلزم أحد، ولكن عليك أن لا ترد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تقبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعل الله عز وجل يا الله توت لا لوونج vous savez tous que par la législation il nous est interdit de résider dans les pays de mécréance. Peut-être que certains trouvent ces paroles bizarres, mais je vous rappelle tout simplement la parole du prophète alayhi salam, que personne ne doit rejeter ni lui opposer des idées qui n'en sont pas. Il est dit chez Tirmidhi et dans d'autres hadiths, chez d'autres imams de la communauté, je dis à vous ceux qui résident parmi les mécréants, leurs foyers de feu ne doivent pas faire face. Regardez-nous, nous les avons en haut, nous les avons en bas, en face, etc. Nos enfants sont dans les écoles, etc. La situation est dangereuse. Ceci, on vous l'annonce. Mais c'est la religion d'Allah, Azza wa Jal. On ne doit pas lui opposer aucune idée. Ça, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Ça, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Il ne l'a pas dit de ses propres fassions. C'est une révélation. C'est parce qu'il y a un danger dedans. Et la réalité nous le montre. لا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام لأن هذا حقيقة وهو خطر على المسلم في دينه وفي أخلاقه وفي أخلاقه وفي عقيدته، والواقع أعظم شاهد على ذلك. فأنتم تروا أحوال شبابنا وشاباتنا كيف هم. le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ceci, c'est que c'est une révélation من الله عز وجل, et c'est que c'est une réalité, et parce que la situation est dangereuse, et vous avez devant vous l'image, hein? Regardez comment ils sont les jeunes, regardez comment ils sont les filles, regardez, etc. À qui ils ressemblent en premier lieu et qui ils imitent en premier lieu, quelle valeur ils donnent à leur religion, etc. Le prophète n'a pas parlé de ses propres passions. C'est une révélation d'Allah Azza wa Jal, et que c'est qu'il y a un danger dans nos, pour nos croyances, pour notre comportement, pour tout, il y a un danger pour nous du fait d'évoluer dans un pays qui n'est pas musulman. من واجبنا أن نتصور عظم الخطر الذي نحن فيه لكي نوجد أسباب الحصن والصيانة من هذا الخطر، وإلا فالنتيجة خسارة الدنيا والآخرة. كيف نبيع آخرتنا بدنيانا؟ لا بد أن نتصور عظم الخطر الذي نحن فيه. فأنتم ترون كم من الرجال طردوا من البيوت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن ننظر إلى واقعنا وأن لا تكون عندنا حساسية فارغة. لا تكون عندنا الحساسية كوك لأجل الحساسية. Donc, il est de notre devoir de s'imaginer le danger de la situation. Pourquoi? Pour trouver les moyens pour remédier à ce problème et pour pouvoir sauver ce qui peut être sauvé et protéger les petits. Et nous protéger nous-mêmes, nos femmes et nos enfants. Sinon, le résultat, qu'est-ce que ça va être? C'est notre perte dans ce bas monde et la perte de l'au-delà. La situation est énorme. Il ne faut pas avoir une certaine allergie à un certain discours comme ça, une allergie pour l'allergie, et rejeter les paroles comme ça. Là, il y a qu'à l'islam. Nous devons regarder la réalité en face. Si tu ne regardes pas la réalité en face, qui va le faire à ta place? Fakhoud barakallahu fikoum. Hadi il masajid. Si faransa. في بعض الأماكن لها 30 سنة أو 40 سنة، كم أعدت لنا من حملة كتاب الله؟ كم أعدت لنا ممن يحفظون الأربعين النووية فضلا عن عمدة الأحكام أو عن بلوغ المرام أو غيرها من كتب السنة؟ كم من أبناء هذه الجالية الآن يتكلمون بلغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أمر صعب وأمر خطير علينا، خطير على ديننا، وخطير على الأجيال التي سنتركها وراءنا في هذه البلدان. Regardez la réalité en face, barakallahu fikoum. Depuis maintenant, pour certaines régions, les mosquées existent depuis 30-40 ans. Hein? Combien ils nous ont préparé de jeunes qui ont mémorisé le Coran? combien de jeunes hein, qui ont mémorisé les 40 Nawawi et on ne leur demande pas Umdat al-Hikam ni Bulugh al-Maram? Combien? Combien parmi ces jeunes qui sont là maintenant maîtrisent la langue arabe, la langue du Coran, la langue de la Sunna, la langue de cette religion? Il faut regarder la réalité en face. On est dans un danger. والشاب لا حكم له لا تأتيني بشاب في منطقة وفي منطقة واحد في ألف وتقول لي هذا حفظ كتاب الله في فرنسا وفي بلجيكا. الشاد لا حكم له. العبرة بعم بالعموم. أما الشدود فهذه حالات خاصة. الأمر الشاد هذه حالة خاصة. Maintenant, on ne vient pas, il ne cite pas des cas marginaux par-ci, par-là, ou un jeune après le Coran en Belgique, à Bruxelles, ou là, ou dans une autre région, etc. Les cas marginaux n'ont pas de loi. C'est un cas marginal. Il faut regarder la réalité en face et regarder l'ensemble et la globalité du problème où il est. Wal natasa'al. أيها الإخوة أن نتساءل منذ ماذا استقمنا وكم ضيعنا من القول من الوقت في قيل وقال وما لا نفع وراءه ولم نتقن لغة الضاد ولم نحفظ شيئا من كتاب الله. كم من الوقت ضاع منا؟ كم كل واحد منا يتساءل ويسأل نفسه هذا السؤال منذ ماذا التزم وماذا حصل منذ التزامه؟ هل أتقن لغة الضاد؟ هل أتقن لغة القرآن؟ هل حفظ شيئا من كتاب الله؟ هل حفظ شيئا من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وكل رقيب على نفسه. Et qu'on se pose des questions, frères, en Allah Azza wa Jal. Depuis quand maintenant nous sommes cramponnés à la Sunna? Combien de temps nous avons perdu dans, ils ont dit, nous avons dit dans des situations et dans des choses qui ne sont d'aucune utilité et dans des futilités? Combien nous avons appris dans le Coran? Combien nous avons appris de la sunna du prophète alayhi salam? Regardez tout le temps qui est perdu. Chacun de nous est responsable de lui-même. Il doit s'auto-observer lui-même. فهذه المساجد في أوروبا وهذا العمر طويل لهذه المساجد كان من المفترض أن توجد لنا علماء, أن توجد لنا فقهاء, أن توجد لنا أئمة منا يأموننا ويخطبون فينا ويعلمون دين الله عز وجل ونسألهم فيما أشكل علينا. والذي يحترم عقله فضلا عن أن يحترم إسلامه, والذي يحترم فقط عقله لا تعطي نفسه أن يسأل من يوجد على الساحة الأوروبية. إن كثيرهم سياسيون متفلسفون عصرانيون حداثيون, قل ما شئت, دعوة إلى الاندماج, دعوة إلى العصرنة, دعوة إلى فهم الكتاب بفهم آخر وفهم جديد وما إلى ذلك. Donc ces mosquées qui ont tant d'années d'existence ici en Europe, bah normalement ils devaient faire exister pour nous dans la communauté des savants, des jurisconsultes, des imams qui seront les imams de la communauté ici. Et de tout ça, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a du temps perdu et que nous avons négligé notre devoir. Et en réalité, celui qui respecte sa religion et qui respecte sa région, il ne peut pas poser des questions à ceux qui nous entourent dans le milieu européen. Parce que la majorité d'eux, c'est des gens de l'école de la raison, c'est des philosophes, c'est des sociologues, c'est des politiciens. Et c'est des gens qui appellent à avoir une autre vue sur l'islam, d'une autre interprétation de l'islam, une autre interprétation de la parole d'Allah Azza wa Jal, et j'en passe. Et vous connaissez le modèle, vous n'avez pas besoin de dessin. أيها الإخوة في الله, لا يجوز علينا أن نتغافل عن حقيقتنا وحقيقة هذا الخطر الذي يحيط بنا. فالمساجد ليست مرادة لذاتها. المسجد مجرد جدران, ليس مرادا أن نزين هذا المسجد ونزخرفه, ولكن المساجد برسالاتها. أما الجدران فما هي إلا وسيلة لتقي الناس الحر والبرد لكي يتمكنوا من آداء شعائر الله وعبادة الله وتعلم كتاب الله وتعلم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وتعلم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. قول الله عز وجل. Faut pas qu'on reste insouciant comme ça. Hein? La réalité est dangereuse. Les mosquées, le but c'est pas la construction de mosquées. Le but ce n'est pas le mur. Le but ce n'est pas embellir le mosquée et ramener des artisans de différentes régions pour embellir et sculpter le mosquée. C'est pas ça. Mais le mosquée c'est le message qui sort de cette mosquée. La mosquée est voulue pour son message et non pas pour sa construction. La construction est un moyen pour abriter les gens de la pluie, de la chaleur et des tempérées pour qu'ils puissent adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et apprendre leur religion et apprendre le Coran, mémoriser le Coran, mémoriser la sunna du prophète. Ça c'est le but de la mosquée. Ça c'est le message de la mosquée. Wa rabbuna yaqul fi buyutin أذن الله أن ترفع لماذا ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لهذا خلقت المساجد لذكر الله وتعلم دين الله ولإقام الصلاة. Donc il dit dans le verset des maisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de construire et d'élever pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit invoqué dans ces maisons qui sont les mosquées et qu'on le glorifie matin et soir dans ces lieux. Et là qui le glorifie dans ces lieux? Des hommes qui ne sont pas préoccupés par le commerce et par la vente et l'achat du fait d'invoquer Allah et qui accomplissent la prière et qui s'acquittent de la zaka et qui craignent un jour où ils vont retourner à Allah. C'est pour ça que la mosquée existe. Ça, c'est le but pour la construction de la mosquée. فالمساجد رسالة وهذه المباني وسيلة. فانت تأمل قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما أمر البناء ببناء المسجد. فزاغت يد البناء فبدأ يحمر ويصفر. فحبسه عمر بن الخطاب. قال له لا تحمر ولا تصفر. فقد قنا الناس البرد والحر. لا تحمر ولا تصفر. زعما ما تزيدش. فقط دير الناس كيفاش يدخلوا ويتخباوا من البرد ومن الشتاء. هذا شيء فقط حتى يتمكنوا من عبادة الله ومن تعلم دينهم. المسكي فرغون الله عز وجل سون فولي بور لور ميساج et non pas les constructions. Les constructions sont un moyen. Médite avec moi cette position d'Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Quand un maçon à qui il a ordonné de construire une mosquée, sa main a été un petit peu, a commencé à faire de la peinture rouge et jaune, etc. Il l'a arrêté. Il dit, ne peins pas. Ne fais pas de couleur rouge ni jaune. Mais tout simplement, fais en sorte que les gens soient abrités de la pluie et du froid et de la chaleur. Tout simplement. C'est pour ça. Pour que Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que les gens puissent adorer Allah, azza wa jal, sans être dérangé par la pluie, par les tempérées, etc. Pour qu'ils puissent apprendre la religion de l'Allah, on est tant bien, on est tant abrité de la chaleur, et du froid, et de la pluie. Amma al-bina, fa wasila, li-himayati al-nas. Amma hadi al-zakharif al-an, mawjouda fil masajid, wallati yatabaha biha al-nas, fa hadi bid'atu al-munkara, wa hiya min ashrati al-sa'a, kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. هي من أشراط الساعة عندما يتباهى الناس بالمساجد وببناء المساجد وزخرفة المساجد فهذه من أشراط الساعة يا أخي الإسلام. إن الله عز وجل كنت على construction à cette construction qui est la mosquée c'est un moyen. Quand est-ce que font maintenant les gens dans les mosquées à les embellir avec des sculptures, des peintures, etc. Ceci est une innovation blâmable et ceci c'est un signe de la fin des temps comme l'a dit Rasulullah عليه وسلم. Fait d'embellir les mosquées, fait partie des signes de la fin des temps. Regardez maintenant comment les gens se font la concurrence à avoir les plus belles mosquées, les plus grandes sculptures, etc. etc. فمبنى المسجد مجرد وسيلة. والأهم ماذا يؤدى في المسجد وما هي الرسالة التي يقوم بها المسجد. هذا البني ما هو إلا وسيلة. أشنا هي الرسالة المسجد؟ أشنا التي تقام بالمسجد؟ هذا هو الأهم. هذا هو اللي غادي ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة غادي ينفعنا في التربية ديال ولادنا وفي التربية ديال نفوسنا. La construction de la mosquée c'est un moyen. Mais le plus important, qu'est-ce qu'on donne dans cette mosquée? Qu'est-ce qui se transmet dans cette mosquée? C'est ça qui va être bénéfique pour nous dans ce bas monde et dans le-delà. C'est ça qui va être utile pour nous dans l'éducation de nos enfants, de nos femmes, de nos frères et de nos sœurs. وقعنا الحالي يدل على أن مساجدنا لا تؤدي مهمتها ولا تؤدي رسالتها إلا نظرا قليلا والأسباب كثيرة. إذا كان كذلك وهو كذلك فيجب علينا أن نعيد للمسجد أهميته خاصة في هذه البلدان الغير الإسلامية. لا notre réalité maintenant prouve que nos mosquées ne remplissent pas leur fonction sauf quelques-unes. Donc, la majorité de nos mosquées ne remplissent pas leurs fonctions, et surtout ici en Europe. Si l'on est ainsi, et si ainsi, là c'est la réalité, il est obligatoire pour nous de refaire que les mosquées et agir dans le sens que les mosquées remplissent leurs fonctions. Surtout dans les pays qui ne sont pas des pays comme le pays dans lequel on vit, qui n'est pas un pays musulman. Il faut que le message de la mosquée s'accomplisse et que par tous les moyens, et n'importe quel moyen, et utiliser les moyens qu'il faut en sacrifiant le matériel, le temps, etc., pour former quelqu'un, l'envoyer se former dans un pays de l'islam, etc., pour qu'il revienne pour l'éducation de nos enfants, de nos frères et de nos sœurs. D'aller en chercher là où il est pour qu'on puisse remplir cette fonction, qu'on ait quelqu'un qui nous aide à remplir cette fonction. Sinon, on perd tout. On perd le bon monde et le-delà. Et on perd les générations qu'on laisse derrière nous. Wa rabbuna yaqul in tansuru Allah yansurkum. Ay in tansuru din Allah. Wa kayfa nansur din Allah? Wa kayfa yansur abna'una din Allah in lam nata'allamhu wa yata'allamuhu fa faqidu shay ila yu'tih. فاخذ الشيء لا يعطيه. Et il est décrété dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans cette traduction approximative que si vous faites triompher la religion d'Allah, Allah il vous fait triompher. Maintenant, comment on peut arriver à faire triompher la religion d'Allah alors qu'on ne l'a pas apprise, que nos enfants ne l'ont pas apprise? Comment on peut y arriver? Celui qui n'a pas une chose, il ne peut pas la donner. Tu n'as pas une chose, rien ne vient du vide. Il faut quelque chose. Et là, si on ne l'a pas, c'est ton seul. Comment on peut le donner? Il faut revenir à l'évidence. Il faut revenir à la réalité et prendre conscience de la situation. Parce que la résurrection et la mort, c'est demain. C'est vite fait. L'ulama rabbaniyoun, alladhina yanhajuna nahja sahabati rasulillah, wa man tabi'ahum bi ihsan li yawm ad-din, wa ad-du'atu alladhina yanhajuna nahja rasulillah. ونهج صحابتي وتابعهم ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين يقولون لمن ابتلي بالمعيشة بين ظهران الكفار أنه بعد الله عز وجل آمالكم في مثل هذه البلدان في بيوت الله أن تكون سببا في حفظكم وحفظ أولادكم فلا بد أن نرتبط بالمسجد ولا بد أن نوجد تعليما في المسجد ونتعلم ويتعلم أولادنا وأن ننشئ أولادنا على معرفة ربهم ومعرفة نبيهم ودينهم لا بد لنا من هذا الأمر وإلا ضيعنا الأمانة أيها الإخوة ضيعنا الأمانة وزدنا خسرانا على خسران على الخسران الذي نحن فيه الآن. Donc les hommes de science qui conseillent cette communauté et qui suivent la voie de leur fidèle d'Allah alayhim, qui sont les compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection, et les prêcheurs qui sont sur cette voie-là disent que après Allah Azza wa Jal, ce qui va pouvoir nous sauver, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous sauve, mais après il y a le fait d'être lié avec nos mosquées et de faire exister dans nos mosquées un enseignement pour apprendre notre religion, pour enseigner notre religion à nos enfants, et pour apprendre à nos enfants la langue de cette religion, la langue du Coran, leur apprendre à connaître Allah, leur apprendre à connaître le messager d'Allah, Azza wa Jal, et leur apprendre l'histoire de cette communauté. il aura prendre la voie du plaisir alayhim. Il n'y a que ça, en agissant ainsi. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'on peut remédier aux lacunes dans lesquelles on se trouve. يجب علينا أن نعلم أولادنا وأن يتقن أولادنا لغة كلام ربهم وأن يتعلموا ويترسخ في ذهنهم الاتصال الدائم بالعلماء الربانيين، أن يكون في حسبانهم أن يكون اتصالهم دائما بمن؟ بالعلماء الذين هم على نهج رسول الله وصحبه الكرام رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، حتى لا يقعوا في مثل ما وقعنا فيه وفي مثل ما وقع فيه غيرنا. Hein, sur la voie de Mohammed alayhi salam, ses nobles compagnons et ceux qui le suivent à la perfection. Parce que c'est la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Pour ne pas qu'ils tombent dans les mêmes situations que nous, et qu'ils ne tombent pas dans les mêmes situations dans lesquelles sont tombés ceux qui sont passés avant nous. فَلَنِي نِفَعَنَا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ فِي اللَّهِ أَنْ يَكْتَفِيَ أَبْنَاؤُنَا بِالتَّرَاجِمِ يَجْبُ عَلَيْنَا أن يتقن أولادنا ونحن كذلك لغة الضاد ولغة هذا القرآن الكريم الذي هو كلام رب العالمين، وهي لغة آخر الأنبياء وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. فعلمها فتعلمها وإتقانها والعناية بها عناية بكتاب الله وبسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل سنسفي با دو رستي افيك لي تراديكسيون، que nos enfants vivent l'islam avec des traductions. Il faut qu'on perfectionne la langue arabe, et que nos enfants la perfectionnent, parce que c'est la langue que Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour le dernier des messages, et qu'il a révélé au dernier des messages, alayhi salatu wassalam. C'est la langue de la parole d'Allah azza wa jal, c'est la langue de l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. فالترجمه مهما كانت دقيقه لا يمكن أن تكون مثل اللغة العربية، هذا أبدا، فلا بد من الاهتمام بهذا الأمر، فهذه مسؤولية الجميع. ترجمة مهما تكون، أما يمكن توصلك للمعنى الحقيقي ديال اللغة العربية مهما كان الحال ومهما كانت قدرات المترجم. فصبر من شوز خير من الله عز وجل. كل traduction malgré le degré de perfectionnement de cette traduction il te ramènera pas à la signification adéquate et réelle de la parole d'Allah Azza wa Jal et de l'authentique de la sunna du prophète. La langue arabe est très riche et très forte. Il est difficile de traduire. Il y a des moments où c'est un blocage. Il y a des fois sur un verbe, un sujet et un complément de verbe en arabe qui sont trois mots, tu es obligé de faire un paragraphe. Il faut aussi savoir une chose. Les anciens, ils disent, ne rentre entre la chair et l'angle que la saleté. Tu ne sais pas qui est ce traducteur à l'islam. Ma t'as-tu à l'intention de l'avoir avec le mot de tarjman? Ma t'as-tu à l'intention de tarjman l'aqida d'yel tout le bida d'yel ou le minhaj d'yel ou? On Allah Azza wa Jal. Ou comme disaient les anciens, tu ne sais pas ce qu'il y a entre la saleté et l'angle. La chair et l'angle, tu ne sais pas. Il y a de la saleté. Cette saleté, parce que ce traducteur que tu as en face de toi, il travaille ses convictions, ses principes, et la voie sur laquelle il est. Mais tu ne sais pas sur qui tu tombes des fois. Si tu simplement vois, il t'embobine avec une belle parole et des belles constructions de phrases, et tu tombes sur ta tête dans une voie que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Ah, il faut faire très attention à ça aussi. Pour que tu saches, celui qui traduit, il est sur quelle croyance, sur quelle voie. Il suffit que tu sois lié à lui, que tu deviens sectaire à ses idées, que tu le défendes malgré qu'il ait des erreurs. Parce que là, le hasil, il dit qu'il y a des gens qui ont fait le ta'assoub à la tour. Il y a des gens qui ont fait le mutarjim, et il y a des gens qui ont fait le ta'assoub à la tour. Il y a des gens qui ont fait le ta'assoub à la tour. Il y a des gens qui ont fait le ta'assoub à la tour. Il y a des gens qui ont fait le et c'est une situation dangereuse. Nous devons en prendre conscience. فمن واجبنا أن نعمر شيوخا وشبابا بيوت الله بهذه الرسالة التي هي العلم والتعلم والتربية، ويتأكد هذا الوجوب في هذه الظروف الخطيرة التي تعيشها أمة الإسلام عامة وشباب المسلمين في أوروبا خاصة. شباب المسلمين خاصة في أوروبا معرضون للأفكار الهدامة والمخالفة لمنهج صحابة رسول الله وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، ولذا يجب علينا أن نشمر على ذراعينا لهذه المهمة التي هي تربية أنفسنا وتربية من حولنا على منهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وهذا يتطلب منا فهم هذا المنهج والتطاوع فيما بيننا لكي نصل إلى النتيجة المطلوبة والثمرة المرادة، والخير بعد ذلك سيعم الجميع. وعند لقاء الله عز وجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Il est de notre devoir, frère en Allah, Azzawajal, tous que nous sommes, âgés ou moins âgés, jeunes ou moins jeunes, de redonner la fonction à nos mosquées. Leur fonction, de refaire revivre la fonction de nos mosquées. Qui est l'apprentissage, qui est la propagation de la science, qui est le fait d'y venir pour apprendre et pour s'éduquer. Et cette obligation, ça devient encore plus obligatoire pour nous maintenant, où la communauté musulmane est dans une situation qui est difficile, où on est dans un siècle qui est le siècle des ambiguïtés par excellence. Ça n'arrête pas les ambiguïtés. Les musulmans en général, la communauté de l'islam en général, et les jeunes musulmans en Europe en particulier, et aux États-Unis, sont sujets et sont exposés à beaucoup d'idées et de principes fondamentaux qui sont en contradiction avec l'islam et avec la voix de Mohammed a.s. et la voix des compagnons de Mohammed a.s. et ceux qui les suivent à la perfection. C'est pour ça qu'il est de notre devoir de retrousser nos manches pour cette noble fonction et cette fonction importante qui est un devoir pour tout un chacun de nous, pour qu'on s'éduque et qu'on éduque ceux qui nous entourent sur la voie de nos puiseurs. Et ça demande de notre part une certaine compréhension, une certaine communication entre nous, et de s'orienter vers les hommes de science pour nous orienter et nous donner le chemin à suivre et le chemin avenant qui convient à notre situation. Et donc, si on agit ainsi, ben, il y aura cette clémence minallah azza wa jalla qui va arriver, et cette union qui va se faire petit à petit, et après ce bien va combler ceux qui nous entourent. Dis-toi bien, tu seras comblé dans ce bas monde avec ce bien. Et quand tu retrouveras Allah Azza wa Jal, après avoir fait revivre cette voie-là, tu vas retrouver des choses qu'aucun cœur n'a soupçonné, et qu'aucun oreille n'a pu entendre parler de ces choses, et qu'aucun œil n'a vu. Tout le bien revient à tout le monde, bi'idhnillah Azza wa Jal. Fawajibun alayna himayata dinina wa dabbi'an wajibun alayna hifdu awladina wa banatina min al-hiraf wa min al-daya'. وهذا لا يكون إلا بالتعاون وجمع الكلمة وتوحيد الصف على الحق وعلى المنهج الصحيح الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى ورسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحبه الكرام وتابعين ومن تبعهم بإحسان له الدين. فلا بركة ولا خير في اجتماع مخالف لمنهج رسول الله ولمنهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان له الدين. وربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول. فلا يجب أن يكون تعاوننا مخالفا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعاوننا يجب أن يكون وفقا لمنهج رسول الله وصحبه الكرام رضي الله عنهم. Il est de notre devoir, frère en Allah Azza wa Jal, de protéger notre religion, de défendre notre religion. Il est obligatoire pour nous de préserver nos enfants, de préserver nos filles de l'égarement et du mauvais comportement. Et ceci ne peut arriver qu'on s'entraidant les uns les autres et qu'on unisse nos paroles. Mais cette union doit se faire sur la voie du prophète et la voie de ses compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. C'est rien que ce chemin là qui va nous amener à cette union et à l'agrément de Allah. Il n'y a aucune bénédiction, aucun bien dans une union qui se fait en dehors de la voie de Mohammed al-Salam et de ses nobles compagnons. Il est dit dans le verset, entraidez-vous dans la dévotion et dans le fait de préserver les droits d'Allah et de mettre en application les ordres d'Allah. Et ne vous entraidez pas dans le mal et dans le fait de dépasser les limites et dans la désobéissance à Mohammed al-Salam. Ça veut dire que toute chose qui nous ramène à être en divergence avec Mohammed al-Salam ne ramènera pas ni la bénédiction ni l'union. Loin de là. Il faut que ça, que notre union se fasse sur la voie de la vérité, sur la voie que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, qui est la voie de Mohammed al-Salam et de ses nobles compagnons. فلا بد أن نتكاتف فمن معالم منهج صحابة رسول الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ارتضاه المولى عز وجل التعاون والتكاتف والاجتماع على نصرة الدين. Il est obligatoire pour nous de s'unir, de réunir nos forces, parce qu'il fait partie des signes et des emblèmes de la voix de Mohammed a.s. et de ses nobles compagnons, c'est qu'ils s'entraident. Hein? Ils s'entraident. Et en s'unissant sur cette voie-là, Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré, c'est avec ça qu'on fera triompher la religion de Allah dans notre vie et dans notre entourage. وَإِذَا أَرَدْنَا فِعْلًا السَّيْرَ عَلَى منهج رسول الله وصحبه الكرام رضوان الله عليهم وجب علينا الاجتماع ونبذ الفرقة للفرقة والتعصب وترك المشاكل الشخصية التي لا علاقة لها بمنهج ولا دين والعمل على تحقيق هذه المصلحة العامة العظيمة على ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة لا بفهم فلان ولا علان ولا شيخ هذه الجماعة ولا شيخ هذه الجماعة لا يا أخي الإسلام ولكن بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا الذي سيوصلنا إلى الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا. Si nous voulons être sur la voie de Mohammed عليه الصلاة والسلام et de ses nobles compagnons, il est obligatoire pour nous de s'unir et de délaisser la dispersion et la division entre nous, la dispersion pour la dispersion, et de délaisser le sectarisme et de délaisser les problèmes personnels que nous avons les uns avec les autres, que certains ont entre eux. Tous ces problèmes personnels qui n'ont rien à voir avec la religion, ni avec le manhaj, ni avec la voix du prophète alayhi salatu wasalam, de ses nobles compagnons, on doit les laisser de côté. Et œuvrer pour accomplir ce bienfait. Hein? Ce bienfait énorme, mais le faire à la lumière du livre d'Allah, et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, selon la compréhension et la voix de nos plusieurs d'Allah. On serait y arrivé qu'avec la compréhension d'Abu Bakr, de Uthman, de Omar, de Uthman, de Ali, de Muawiyah, et de ceux qui les ont suivis à la perfection, et qui sont les grands imams de cette communauté, en passant par les grands imams des quatre écoles, qui sont l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Al-Awza'i et autres. فهذا الذي يمكنه أن يوصلنا إلى أن نقوم بواجبنا اتباع أئمة الدين الذين اتبعوا سلفهم الصالح رضي الله عنه. لا بد أن نتعلم ولا بد أن يتعلم أبناؤنا وبناتنا الإسلام الحقيقي المصفى من البدع والخرافات وما لا يصح. وهذا كله ميسر لمن صحت نيته وعزيمته وإرادته وخلصت نيته لله عز وجل. فلا ننسى أننا مطالبون جميعا بالتكاتف والتعاون كبارا وصغارا على منهج رسول الله وصحابته الكرام رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. والخير سيعود علينا عندما يهدي الله شبابنا الضائع في المخدرات والملاهي، وهذا لن نوفق إليه ولن نتمكن منه إلا بتوجيهات أهل العلم الربانيين السائرين على منهج رسول الله وصحبه الكرام رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. في كل أمر كان صغيرا أو كبيرا ولا نستقل بآرائنا لأننا عوام، والعامي واجب عليه أن يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا واجبنا، هذا الذي أوجبه الله علينا. Donc il est obligatoire pour nous d'apprendre et d'enseigner à nos enfants, à nos filles, un islam pur, purifié de toute forme d'innovation, de toute forme d'histoire à dormir debout, et de tout mythe, hein, et tout ce qui n'est pas avenant. Et ceci est facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il l'a facilité, et pour celui qui a une bonne intention, une ferme résolution, et qu'on n'oublie pas qu'il nous est demandé d'être unis et de s'entraider, grand et petit, sur la voie de Muhammad alayhi salatu wassalam, la voie de ses nobles compagnons, ceux qui les suivent à la perfection. Et le bien va revenir à tous à la fin. Quand Allah subhanahu wa ta'ala va guider nos frères, nos soeurs qui baignent dans la drogue et dans le libertinage et autres, hein, et on ne serait arrivé à accomplir cette voie et agir ainsi que avec les orientations des hommes de science dignes du nom, qui sont sur la voie de Muhammad alayhi salatu salam et la voie de ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. On doit demander leurs directives et leurs orientations pour chaque situation, grande ou petite. Même s'il t'apparaît qu'il est petit, sache, retourne aux hommes de science. Par nous autres, le commun des musulmans, il nous est demandé. Il est obligatoire pour nous de demander aux spécialistes et aux hommes de science. Demandez aux hommes de science qu'on ne vous savait pas. Akhal Islam. Allah Allah fi shababina. Allah Allah fi shababi da'i' fi hadhihi al-buldan. Allah Allah fi banatina wa fi mas'uliyatina tujaha banatina wa ikhwanina wa akhawatina. Fallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala li kulli shay'in sabab. Fa idha aradna hidayat awladina wa banatina wa thiyab nata'usrina, la budda an na'khudha bil asbab wa la budda an nata'awan wa la yaliq an natruka هذه المهمة لشخص أو شخصين، يجب أن نتعاون، ولعل الله أن ينقذنا وأولادنا ومن حولنا من الضياع. Regardez la situation de nos frères et de nos sœurs, frères en Allah Azza wa Jal. Il déchire les cœurs. Allah Azza wa Jal a fait que pour arriver à chaque chose, il y a un moyen. Et si nous voulons la guider de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs et protéger nos familles, il est obligatoire pour nous de prendre les moyens adéquats pour y arriver et qu'on s'entraide. Et on ne doit pas laisser la situation à une seule personne. C'est impossible. Ou à deux personnes, ou là à trois personnes. Là, il faut qu'on s'entraide. Et peut-être qu'avec cette entraide, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous sauver. Il va sauver notre descendance. Il va sauver ceux qui nous entourent des situations dans lesquelles ils sont. Il va nous sauver. فإن شاء الله سنجد ثماره وإذا لم نتعاون نحن فمن له أن يتعاون؟ نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم نتعاون نحن من يفعله؟ بالله عليكم، إذا تخاذلنا وتركنا المجال لأهل الأهواء والبدع، وتعرفون ماذا سيقع وكيف سيتربى أبناؤنا على التمثيليات والأناشيد والطفيليات والمنامات والخزعبلات والخرجات والفلتات والشطحات. Donc si on plante cette graine بإذن الله, nous allons récolter le fruit. Mais si on ne s'entraide pas, nous qui disons la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et nous qui disons que on suit la voie de Muhammad alayhi wa sallam et la voie de le plus élevé d'Allah alayhim, si on ne le fait pas, si on recule et on ne retrousse pas les mains et on ne fait pas d'efforts et on laisse le terrain aux gens de l'innovation et à ceux qui appellent vers leur passion, vous connaissez la situation, qu'est-ce qu'il va advenir. Nos enfants vont être éduqués sur l'anachid, sur le théâtre, sur les alternatifs, la mode musulmane, le cinéma musulman, hein, le théâtre musulman, la danse musulmane, imagine ça, ça n'en finit pas. Et il rajoute des musulmans derrière. Hein. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de tableau. Alors, la scène est autour de vous. Regardez, vous devez prendre le son. Vous voulez que nos enfants ils soient comme ça, vos enfants soient comme ça? La ya khal islam. La ya khal islam. وهذه وانا اذكرك بقصه لكي تعلم ايها الاب وتعلمي ايتها الام انه انتم لكم دور مهم في تربيه اولادكم. فاخوه الاسلام, هذه عائله مصريه لها ولدان وبنتان, واسمع, وتعيش في كندا, الاربعه يحفظون كتاب الله, الأربعة يتقنون اللغة العربية. إبراهيم منهم يترجم كلام العلماء من اللغة الإنجليزية إلى اللغة من اللغة العربية للغة الإنجليزية وإلى اللغة الفرنسية كذلك. ومرة أحد العلماء سأل أحد من إبراهيم هذا فقال له أنت وإخوتك حالتكم عجيبة، أشنو المشكلة، أشنو السر عندكم؟ فقال له بوم، قال لي كيفاش، قال لي ما عمر بضربنا وما عمر من ضربتنا، ولكن إلا جينا من المدرسة ممنوع أن نتكلم بأي لغة إلا اللغة العربية في الدار، ولا دخلنا من المدرسة مع الربعة ديال العشية تناكلوا شوية في الدار، الخمسة العشية تلقانا في الجامع يوم على يوم صيب وشتوى، ماشي راه عيانين الدراري راه ما يقدروا على هذا الشيء كله. ايوا انت سير جيبو دروكا، سير جيبو دروكا من قاع الحبس، ولا جيبو من قاع لا دروك، ولا من قاع المفتاح، خرج ليه المفتاح من يديه، ما يقدروش. كيفاش ما يقدروا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك دربوا على الصلاه على 7 سنين وادبوا عليها على 10 سنين، خاص يكون معانا في صلاه الفجر، لا في 7 سنين ولا في 10 سنين يجي معاك، لانه قدر عليه ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم وجهك هذا التوجيه الا وقدر عليه الولد. كنتي مانتنو سيت استوار ايتروني pour voir que le mari il a le père et la fille ont un rôle très important à jouer. Hein? Voici une famille égyptienne au Canada. Les 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Brahim et Yahya, hein? Ils ont tous mémorisé le Coran comme il se doit. Brahim lui, quand les hommes de science font des séminaires au Canada et aux États-Unis et en Angleterre, ben, il traduit les paroles des hommes de science en anglais et en français. Quand il est au Québec, en français. Et quand il se trouve dans une région anglophone, il est traduit en anglais. Certains chouyours, ça a attiré leur attention, ils ont posé la question à Abraham. Ils ont dit, votre situation, toi et tes frères et tes sœurs, est étrange, particulière. Vous avez appris dans un pays arabe, jamais on a été dans une école arabe. Mais c'est quoi votre secret? Il dit, simple, mon père et notre mère, quoi votre mère et votre père? Il dit, quand on revient de l'école, il est interdit à la maison de parler autre langue que la langue arabe. Sinon, on est privé, jamais on a été frappé, mais on est privé de dessert, on est privé de nourriture, on est privé de tout ce qui est bon. Et chaque fois qu'on revient de l'école, moi et mes sœurs, à 4 heures, une heure après, notre père nous prend et nous amène directement à la mosquée. Tous les jours, été comme hiver, non-stop. Maintenant, quand tu dis à quelqu'un ceci, tu dis, mais ils ont beaucoup de devoirs, c'est trop pour eux, etc. Eh bien, vas-y maintenant, va les chercher maintenant. Va les chercher maintenant. Si on agit ainsi qu'on a perdu nos enfants, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, habituez vos enfants à l'âge de 7 ans à la prière et corrigez-les à partir de l'âge de 10 ans. Ce qui nous a donné cette orientation, c'est qu'ils sont capables. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne nous oriente que vers ce qui fait notre bien. Pensez-y à l'islam. Cette histoire, ce n'est pas pour raconter l'histoire, mais qu'on prenne le son qu'en tant que père et tant que mère, nous avons un rôle à remplir. La bouddha ne fait pas ça. Ka'ab wa ka'um falana wajibuna wa nahnu wal awlad yarawna al ab wal um fi d'arajid al oula fahum nuskhatun min aba'im wa ummahati. Les enfants regardent les parents en premier. Ce sont des répliques de leurs parents. Fa'ina nahnu min hadhi al usra. أين نحن منها منهج تربية المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ عودوهم في 7 وأدبوهم في 10. Où sommes-nous de cette famille? Où sommes-nous de l'éducation et des orientations de Mohammed عليه الصلاة والسلام? Habituez vos enfants à 7 ans à la prière et corrigez-les à 10 ans. فأهم شيء بعد هداية الله للأولاد أنت أيها الأب وأنت أيها الأم. فإذا كان هم الوالدين فقط التكالب على الدنيا ونسوا الواجب واجباتهم ضاعوا وضيعوا ضيعوا الأمانة. Très important, ceci est très important, frère en Allah Azza wa Jalla. Toi le père et toi la mère, vous êtes très important dans l'éducation de vos enfants. Après la guidée de Allah Azza wa Jalla, vous venez en deuxième position. Si vous vous acharnez sur ce bas monde et sur les bienfaits de ce bas monde en oubliant vos obligations, ben vous allez perdre ce bas monde et vous allez perdre le delà aussi. Vous allez perdre la mana, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sous votre tutelle. فإذا تكلمنا على الدنيا تفلت الأولاد ونسوا اللغة العربية والدين فأهم شيء في حياة الأولاد أنت أيها الأب وأنت أيها الأم فبارك الله فيكم لا نجعل كل همنا حطام الدنيا فالدنيا سراب فلا يجري نجري كل وقتنا وراء السراب فما خلقنا لهذا تعرف شنو السراب سراب ملي تكون الحمام العافيه سخون الحال وتيبان لك فلوغ شانتي الماء تسحب داك اللعب شانتي تسحب واش الماء ما حد تيقرب عليه وتيمشي فكذلك الدنيا هاكوك دايره جري من وراها تجري وهي هربانه لك ما تاخذ منها داك الشيء اللي كتب لك الله سبحانه وتعالى ولكن لا تنسى الواجب ديالك لا تنسى تقوم بالواجبات ديالك فان الله عز وجل سي اون ساشارج سور لو باموند et on court sur ce bas monde, ben nous allons faillir à nos devoirs et à nos responsabilités. Et les enfants vont se perdre. Ils vont oublier l'arabe, ils vont oublier la religion et tout. Et la plus, les deux personnes les plus importantes dans la vie des enfants, c'est le père et la mère. Fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous. Il ne faut pas que ce bas monde devienne notre grande préoccupation. Et il ne faut pas courir derrière ce bas monde. Ce bas monde est comme un mirage. Quand il fait chaud, vous voyez, comme c'est l'impression qu'il y a de l'eau. Et plus tu avances, plus il n'y a rien. La même chose pour ce bas monde. Tu as une brique, tu as 1000 euros, tu as 10 000, tu veux au 15 000. Et plus tu avances, tu n'arrives pas à les avoir. Tu cours derrière et tu n'atteins pas ce que tu veux. Il ne faut pas oublier les obligations. Barakallahu fikoum. Tout en cherchant notre subsistance par les voies d'il halal. Alayhibou an nansa, awamir Allah, wajibatina, maha, wa nashtaghil bi umur rizqina. فلنجعل ديننا وسيلة نستعين به على دنيانا ولا نجعل العكس أن نبيع الدين بالدنيا ولا نعطي ديننا ثمنا لهذه الدنيا ولا نأخذ من هذه البلاد الدنيا ونعطيها الدين فإن الله عز وجل فوق que ce bas monde on l'utilise comme moyen pour faire triompher notre religion et pour nous aider à accomplir notre religion et qu'on ne fasse pas le contraire qu'on vend notre religion pour ce bas monde et qu'on laisse dans ce pays notre religion on prend le bas monde كم أكلتم كم شربتم كم ستأكلون كم لبستم كم بنيتم كل هذا سيبقى وسنرحل من هذه الدنيا ولا نأخذ معنا شيء combien nous avons mangé combien nous avons construit combien nous allons encore manger boire et construire etc mais tout ceci nous allons le laisser il va rester que la bonne œuvre et la bonne œuvre on serait l'obtenir qu'avec la science bénéfique et qu'en apprenant notre religion et qu'on s'attache à la voix de notre prophète alayhi salatu wassalam. Frère en Allah, Azza wa Jal, ayyoua de l'islam, هذا لا يمكن ان نربح في الدنيا وفي الاخره الا بالعمل الصالح والعمل الصالح اصله العلم النافع الذي هو الكتاب والسنه بفهم سلف هذه الامه فلا بد ان نعكف على هذا الامر صلى الله فكانت هذه وصيه صلى الله سبحانه وتعالى ان ينفعني واياكم بها وان كان من خطأ او زلل فهو مني ومن الشيطان وكل صواب هو من الله سبحانه وتعالى وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا